petite merde. XXR et Diablo, ALKPOTE, c'est des putains de coups d'Unchaku. Bande de putains, sucez. Ici c'est la crème, tu sens moins neuf. Le mic au manœuvre. J'ai les yeux bridés comme un Roumanoff. J'suis dans la merde, j'ai pas de chance, gars. Ici y'a trop de traite, comme pas de Changa. Si j'bute un flic, appelle-moi Saïd dans la N2. J'suis rodé, j'ai trop barodé vers ED. Ma tête c'est un asile, vu qu'y'a que des fous. Mec, me raconte pas ta vie, j'm'appelle pas T-Fool. Tricard, j'suis l'seul, que les commerces sous pied. J'dis trop, j'ai un beat, pire commerce, Simpson. J'pénètre les vagins, short de la jungle. Rage dans le beat, comme faire 24h, j'ai AV à jeun. J'déraille sur le terrain, dédicace à ce cadet. Cherche ma princesse, mais y'a trop de cadera. Short de la casse, j'suis un sale cabot. On baisse au capot, demande à Al Capote. On prend l'avantage, note la date de l'attentat sur ton agenda. Pas tatouage sur l'avant-bras, voilà. On encule les traîtres comme Pachanga. On découpe les têtes pour de la ganja. On prend l'avantage, note la date de l'attentat sur ton agenda. Pas tatouage sur l'avant-bras, voilà. On encule les traîtres comme Pachanga. On découpe les têtes pour de la ganja. Tu veux que je te parle de ce que je connais, ouais, ouais. Ou que je raconte que de la merde, sans déconner, yeah. J'ai le son dans le sang, c'est pas des conneries. Un joint de l'encens et toutes ces conneries. Ils veulent que je mette mes sons sur leur sonnerie. Mais qui t'a sonné, mon rap est pur, je l'ai façonné. Alors pétasse, mets-toi face au mur. Je te pète, j'écris mes phrases et je coupe mon saumon. J'ai trop de choses en même temps. C'est peut-être pour ça que toutes ces putes même temps. J'ai même plus besoin d'étendre. Bam, si t'es par terre, tu viens t'étendre. Alors que moi je rappe juste pour me détendre. Mes mots sont assassins, mes rimes tendues. Je viens te casser le bassin, cri que t'as pas entendu. On baisse les putes à la langue pendue. Même si j'ai le flow trop détendu. Je sens crispé, vas-y détends-toi. On te fait flipper, vas-y défends-toi. Jabs 91, la crème de l'Est. On prend l'avantage, note la date de l'attentat sur ton agenda. Pas tatouage sur l'avant-bras, voilà. On encule les traîtres comme Pachanga. On découpe les têtes pour de la ganja. On prend l'avantage, note la date de l'attentat sur ton agenda. Pas tatouage sur l'avant-bras, voilà. On encule les traîtres comme Pachanga. On découpe les têtes pour de la ganja. J'écris des textes en vrac. Quand la spin shop, j'prends le micro et braque les MC trop bavards. Lyrical coup de massue dans la dentition. Va falloir que t'assumes, baisse d'un coup, t'es dans mon champ de vision. On m'a dit de rapper afin que les fausses taisent. Ces avares veulent tous grailler en crever obèses. Tu veux la guerre, laisse-nous la peine d'ouvrir le bal. On veut grimper, man, et puis être tiré vers le bas. Le rap vient de la rue, ouais, ça tout le monde le sait. J'suis venu baiser le rap et pourquoi pas même l'engrosser. Kinshasa aux manettes, c'est brut, c'est moi, Jazz, John, Ege et les frères, c'est à moi. Travestir mon rap pour plaire, non, n'y compte pas. Inconcevable comme se suicider à coup de compas. Inconnu au bataillon pour le 2-2-0. Je me présente, moi c'est X, bande de blaireaux. On prend l'avantage, note la date de l'attentat sur ton agenda. Pas tatouage sur l'avant-bras, voilà. On encule les traîtres comme Pachanga. On découpe les têtes pour de la ganja. On prend l'avantage, note la date de l'attentat sur ton agenda. Pas tatouage sur l'avant-bras, voilà. On encule les traîtres comme Pachanga. On découpe les têtes pour de la ganja.